Censure en temps de crise sanitaire. Voilà le titre de l'enregistrement. Donc, c'est un secret pour personne. De plus en plus, il y a une censure qui s'opère sur les réseaux sociaux, sur le web. Et c'est sûr que tôt ou tard, eh bien, on peut vivre cette censure. Et ça m'est arrivé. Donc, il y a quelques jours, j'avais mis en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube de Berthold. Et j'avais mis la vidéo en ligne et quelques minutes après, j'ai rajouté un lien en relation avec le sujet de la vidéo en bas. Puis au moment que j'ai mis le lien web, la vidéo a été bloquée et j'ai eu un avertissement là, de YouTube. Donc, la vidéo était de la désinformation médicale en relation avec la COVID-19. J'ai été surpris de ça. je m'attendais pas à vivre ça. Et là, ça m'a amené à réaliser qu'une censure peut se faire en lien avec le contenu de la vidéo. Donc, qu'est-ce que la personne dit en tant que telle dans la vidéo, mais aussi par rapport à l'espace du bas de la vidéo où on peut mettre des liens web qui peuvent être redressés aussi là, par des algorithmes. Là. Donc, à ce moment-là, ben, après avoir vu la vidéo bloquée, ben, je me suis dit que sans doute le problème, c'est le lien que j'ai mis en bas de la vidéo parce qu'elle a été bloquée là, sur YouTube à ce moment-là. Eh bien, comme je trouvais la vidéo intéressante, j'ai dit, ben, je vais remettre la vidéo sans mettre le lien web en bas qui était problématique. C'est à ce moment-là que la vidéo a été bloquée tout de suite au même moment. Et par la suite, en voulant remettre la vidéo a été bloquée. Et j'ai eu un avertissement de YouTube. Non, c'est une prise. La première fois, c'est un avertissement. Ensuite, j'ai eu une prise. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que si la personne a trois prises, c'est comme au baseball. Trois prises, you're out. C'est le même principe qui s'applique. Donc, quelqu'un qui a trois prises, sa chaîne YouTube est fermée. Donc, la vidéo a été supprimée. Donc, en voulant la remettre une deuxième fois, bon, probablement que YouTube a détecté que c'est exactement le même poids de la vidéo. La même quantité de mégas. Et la durée était pareille aussi. Donc, c'est peut-être ça qui est arrivé. Vu qu'il était bloqué une fois, ben là, par défaut, il la bloque une deuxième fois. Et j'ai appris qu'une personne que je connais, dans le fond, avait téléchargé la vidéo à partir de ma chaîne Odyssey. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je mets une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube, elle est sauvegardée simultanément ou dans les heures qui suivent sur Odyssey. Les deux chaînes sont synchronisées. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de remettre toutes les vidéos une par une là, sur Odyssey. Là, elle synchronise là, cette plateforme-là sur YouTube. Donc, si une vidéo vient à disparaître de YouTube, donc à ce moment-là, si la vidéo a été synchronisée par Odyssey, vous allez pouvoir la retrouver sur le site d'Odyssey, donc .com. Donc, c'est sûr que j'encourage les gens à s'abonner dès maintenant à ma chaîne Odyssey, naturellement. Et la personne qui avait mis donc la vidéo de Berthold, parce qu'il l'avait vue synchronisée sur Odyssey, elle avait disparu de ma chaîne, lui, il l'avait téléchargée. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il avait dû la recoudre à cause d'arrêts fréquents, dans le sens que probablement que la vidéo sautait un peu, fait qu'il a fallu qu'il raboute là, des morceaux de la vidéo, faire un montage, ce qui faisait en sorte que la vidéo de Berthold n'avait pas tout à fait la même taille, avec un titre aussi différent que Mi, qui avait rien à voir avec la crise sanitaire ou le virus, et elle a été par la suite, dans les heures qui ont suivi, elle a été censurée, elle a été bloquée là, sur YouTube. Donc, j'en viens à la conclusion que le propos que Berthold a tenu a été bel et bien évalué comme étant problématique par YouTube. Donc, à présent, j'ai pris quelques jours pour évaluer la situation et j'en suis venu à la conclusion qu'à présent, j'ai l'intention de mettre les vidéos avec des commentaires qui portent sur la crise sanitaire, le coronavirus, qui ne vont pas dans le sens du discours officiel sur Odyssey seulement. Donc, c'est sûr que présentement, il y a, dans le fond, de plus en plus de censure sur le web. Au fil des mois, je sens que la tension monte. Et au Québec, ben, par rapport aux mesures sanitaires, c'est la même chose pour la France, en Europe, dans plusieurs pays. On sent que la tension en lien avec la gestion de crise, entre autres, est en augmentation. Et je vois en lien avec ça, ben, de plus en plus de gens là, au fil des semaines, des mois là, qui sont censurés là, sur les réseaux sociaux là. Et ce que je vois présentement, ce qui est à l'œuvre, c'est dans le fond une volonté de faire disparaître là, tout discours qui ne va pas dans le sens là, du narratif officiel. Là. Donc de faire disparaître ça. Là, puis la nouveauté, c'est que les réseaux sociaux qui sont populaires de masse comme YouTube, donc certaines plateformes, bien, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de censure qui s'opère. Donc, des médias de masse aux plateformes plus populaires par rapport à des discours qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ce qu'on veut véhiculer là, naturellement à la population. Et je sais que présentement, il y a certaines personnes qui veulent faire d'un tabou social de ne pas aller dans le sens du discours officiel comme autrefois. Quelqu'un qui n'allait pas dans le discours de la religion organisée catholique, donc dans le sens de l'Église, ben la personne pouvait être excommuniée de l'Église. D'ailleurs, en lien avec ça, il y avait un adage qui disait « hors de l'Église, point de salut ». Donc, ça amenait la personne à l'exclusion sociale. Et aujourd'hui, ben l'exclusion se traduit sur le plan numérique, dans le sens que la personne qui ne va pas dans le sens du discours qui est véhiculé par certaines plateformes web là, qui s'adressent à la masse, ben la personne est exclue. Donc, c'est sûr que plus ça change, plus ça paraît dans un sens. Et le tabou social de l'heure actuelle, c'est pas les extraterrestres. Autrefois, de parler du phénomène extraterrestre, ben, il y avait de la censure où les gens étaient mal vus. Là, on va sur YouTube, puis il y a plein de vidéos sur les extraterrestres, où ce qui est question des extraterrestres, ou la sexualité. Autrefois, ça a beaucoup changé, hein? De parler, par exemple, autrefois, avant la Révolution tranquille au Québec, avant les années 60, de parler, par exemple, ouvertement d'homosexualité, de transsexualité. C'était des sujets tabous et puis aujourd'hui, de plus en plus sur le web, on en entend parler, mais il y a de nouveaux tabous qui sont apparus donc à l'époque actuelle et c'est en relation naturellement avec le virus. Qu'est-ce qui ne va pas dans le sens du discours officiel, entre autres? Donc, ce que je veux dire, c'est que pour ce qui est des vidéos qui portent sur la conscience supramentale, la métaphysique, des sujets comme le double, la réincarnation, la mort, je vais probablement continuer à être diffusé là, sur YouTube. C'est sûr que Odyssey, c'est un endroit où j'ai l'intention, entre autres, de diffuser des enregistrements de Berthold. Donc, s'il en fait d'autres, où il est question de gestion de la crise sanitaire, du coronavirus ou de la substance qu'on cherche à nous injecter dans la peau, ben, Berthold est bienvenu pour me faire parvenir ses vidéos. C'est tout simplement ça. Et par la suite, moi, j'annoncerai là, les vidéos là, sur ma page Facebook. Donc, c'est sûr que j'invite les gens du public non seulement à aller voir ma chaîne Odyssey une fois de temps en temps, mais de s'y abonner. Car avec le temps, il risque d'avoir de plus en plus de contenu exclusif qu'on ne pourra pas retrouver sur YouTube, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, je m'inscris dans une mouvance. Hein, il y a de plus en plus de gens qui connaissent de la censure. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que je vois présentement, c'est qu'il y a beaucoup de migration, notamment de certains lanceurs d'alerte là, sur Odyssey. Et sinon, ben, il y a des gens qui continuent sur YouTube, mais qui vont utiliser certains mots de remplacement pour en évoquer d'autres dans le but de ne pas être censurés par la reconnaissance vocale s'ils ne vont pas nécessairement dans le sens de la diffusion d'un discours qui n'est pas politiquement correct. Donc, si je pense entre autres à Citoyen Lucide qui va parler de pic-pic pour faire allusion à la substance que présentement on cherche à nous injecter dans les veines et de sniffle, donc pour faire allusion à un virus de la famille du corona. Donc, c'est sûr que ça fait drôle à écouter. Il y a quelques jours, j'écoutais une des vidéos de Citoyen Lucide qui est encore pour l'instant sur YouTube. Et donc, c'est un Québécois qui va porter un regard critique là, en lien avec la crise. Puis, j'écoutais ça avec ma compagne, puis il disait, bon, le pic-pic, le sniffle, puis ils veulent nous injecter le pic-pic. Puis là, elle trouvait ça drôle, elle ne comprenait pas trop. Puis là, j'ai expliqué que c'est en langage codé. Pour éviter la censure, bon, c'est sûr que d'utiliser des termes codés comme ça, ça me plaît pas tellement. Fait que c'est pour ça que je veux continuer à m'exprimer librement, mais j'ai l'intention de le faire. Puis d'ailleurs, c'est la même chose par rapport à certains invités. C'est sûr que vous avez sans doute remarqué que dans les dernières semaines, il n'y a pas eu beaucoup d'invités. C'est sûr que si j'invite des gens à faire un enregistrement en relation, entre autres, avec la crise qui se déroule présentement, moi, je veux pas être obligé là, de censurer là, à tout bout de champ leurs propos. Là. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que l'espace de liberté que je peux offrir à des gens, ça va être plutôt là, sur Odyssey, là, naturellement. Et c'est sûr qu'en passant, je garde toujours en esprit d'avoir une charte éthique quand que je fais mes vidéos, là. Donc, il ne faut pas que vous m'interprétez mes propos. Donc, avant la crise du coronavirus, j'ai toujours été à l'aise avec les principes que, bon, il faut que les vidéos, ça ne soit pas des propos à caractère sexiste, raciste, des propos... dans le fond, qui vont amener la haine d'êtres humains par rapport à d'autres êtres humains. Là, ça, c'est clair. D'ailleurs, je vais continuer, même si je diffuse sur Odyssey, à respecter la même charte éthique à ce niveau-là. Par contre, le point, c'est que si quelqu'un parle avec moi puis qu'il y a un propos qui diverge du discours officiel, ben à ce moment-là, moi, je veux lui donner le droit de parole, là. Tu sais, si dans son propos, il incite pas à la violence, mais pas la vie de personne en danger, moi, je vois pas c'est quoi le problème, là. Donc, c'est sûr que la crise du coronavirus qu'on connaît présentement a amené une plus grande censure. Et c'est sûr que derrière ça, ben ça nous fait voir la vraie nature des gens, en fait, qui font la gestion des réseaux sociaux. Ça nous permet de dévoiler aussi la nature de certains de nos politiciens, de la population en général, parce que c'est à travers la crise qu'on peut voir qui sont les gens qui sont stables dans le mental aussi, qui sont les gens qui vibrent à la peur, qui sont les gens qui dominent, qui sont les gens qui cherchent à exploiter les autres, et ainsi de suite. C'est dans la crise que différents éléments de notre nature peuvent apparaître au grand jour. Et à ce moment-là, c'est un espace de révélation. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est sûr que pour moi, la liberté d'expression, c'est fondamental. Sinon, en terminant, je me permets de décréter un renouvellement de l'importance de l'état de paix de l'esprit pour un autre 2 semaines. Donc, le gouvernement va décréter de manière totalement arbitraire des mesures qui réduisent les libertés. Et puis, moi, je décrète une mesure qui vise à connaître un état d'être agréable. Donc, je décrète le droit à vivre dans la paix de l'esprit et une prolongation pour 2 semaines de l'état de l'urgence d'être bien dans ma peau. Donc, l'importance aussi de déconfiner mon mental. Donc, je décrète l'urgence de mettre en place un déconfinement psychique et de maintenir ma conscience dans cet état de déconfinement psychique. Donc, voilà, le gouvernement peut faire des décrets arbitraires. Et moi aussi, je suis capable d'en faire. Donc, je suis capable de décréter ça. Et bon, là-dessus, je vais vous laisser. Et ce que je vous dis aussi fondamentalement, c'est l'importance de s'écouter d'abord. Et c'est sûr que, dans le fond, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, à quelque part, présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, je ne veux pas ici commenter. Mais ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est de réaliser qu'à quelque part, il se passe une grande mascarade et que tôt ou tard, le réel sera dévoilé. On peut chercher à censurer des gens, on peut chercher à camoufler certaines choses, mais tôt ou tard, ce qui est réel va être dévoilé. Donc, on ne peut pas cacher ou dissimuler ou tasser tout le temps les choses derrière la couverte. Tôt ou tard, tout finit par se savoir. C'est ainsi. Et c'est sûr que s'il y en a qui s'intéressent à s'abonner à ma chaîne Odyssey, vous allez avoir les informations qui s'y rapportent naturellement en bas de l'enregistrement. Même chose pour mes coordonnées sur Facebook. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.